Mais les vieux pins sur son balcon pour attirer moineaux les pigeons. Vit sa vie par procuration, vend son poste de télévision. Elle apprend après ce scandale. Ouais. Elle met du vieux pain. 1, 2, 3. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Ouais, ça va bien. C'est quoi les paroles déjà? 1, 3. Pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration. Devant son poste de télévision. Pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration, devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des hommes qui s'étale. Et finalement le moins pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met les vieux pains sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, on vit les autres qui s'étalent. Et finalement le moins pire en banal, elle finira par trouver ça. Tu veux de la batterie? Et y a pas un batteur là? Y a pas de batterie? Drum? No drum? Qui c'est qui s'accorde? Bon alors attends, je mets un petit rythme. C'est la Télécaster, pas la même. Elle met une pince sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Et finalement le moins pire en banane, elle finira par trouver ça. Non mais c'est pour... Il y a un bassiste, non ? Mais toi c'est facile, t'as l'oreille. Yes, Théo. Connais les accords, Théo ? 1, 2, 3. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Il s'allie par procuration devant son poste de télévision. La pendant après sa scandale, la vie des autres qui s'étale. Et finalement le moins pire en banane, finira par trouver ça normal. Elle met les pains sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration. Je vous marque. Théo, on a du son, Théo ? Il n'y a pas Théo. Et toi aussi, Titi, t'es fort. D'accord, Titi. Voilà. What's the nature of Ghost Rider? Goldorak. Ready? Qu'est-ce qu'il joue, lui? Déjà, j'entends même pas ce qu'il fait Ghost Rider. Keyboard? C'est quoi ce son? Il y a quoi comme son? C'est la guitare, c'est pas du synthé, ça. Partout et ça me manque. And now we're in.